Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir amis auditeurs de Radio Méditerranée Var. Vous êtes encore une fois avec Fred Cominatia pour le son de l'underground. Encore un épisode confiné en enregistrement dans mon home studio donc à Fréjus, en attendant de rentrer dans les studios du MUI qui me manque. Mais bon, on a le matos à la maison, on a une relation internet, donc ça va très bien. Je voulais donc vous dire qu'au niveau des news, on n'a pas de très bonnes news et que tout ce qui est festival et autres gros événements cet été semble un petit peu compromis au-delà de 500 personnes. On verra bien comment on peut s'adapter pour tout ça et on verra bien comment on peut adapter de toute façon la scène de Roquebrune et je vous tiendrai au courant dans l'émission. Aujourd'hui, on va continuer dans le Good Vibes parce qu'on en a bien besoin. On a fait, il y a deux semaines, un Good Vibes New Disco, pour être très festif. On a fait la semaine dernière un Good Vibes Tech House, pour vraiment les amoureux de la house. Et là, je vais faire un Good Vibes Techno, c'est-à-dire c'est une techno, mais c'est pas une techno forte, c'est pas une techno agressive. C'est une techno Good Vibes, qu'on peut écouter en journée ou autre, à 17h, sur Radio Méditerranée Var, en direct du son de l'underground avec Cominatia. Mais bon, on va démarrer parce que bon... On a besoin de good vibes. Allez, à tout à l'heure. We'll be right back.

We all know you need a freak like me.